Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, de Tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement, engagement 12 mois. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la traque d'une icône, la militante afro-américaine Angela Davis. En 1970, à 27 ans, elle est une figure de la lutte antiraciste et anticapitaliste, célèbre dans le monde entier pour son engagement révolutionnaire en faveur de l'égalité. Membre du Black Panther et du Parti communiste, elle se bat pour la libération des prisonniers politiques, pour la cause des Noirs et la condition des femmes dans un pays gangréné par le racisme. Mais à l'été 1970, sa vie bascule. Accusée à tort de meurtre, la jeune révolutionnaire se lance dans une cavale à travers les États-Unis pour échapper au FBI d'Edgar Hoover. Une aventure digne d'un film hollywoodien, romanesque, mais surtout politique. Car le destin d'Angela Davis est indissociable des combats qu'elle mènera tout au long de sa vie et qui fera d'elle l'une des figures majeures des luttes sociales dans le monde. Notre invitée aujourd'hui, Rocaille Diallo, journaliste et réalisatrice. Elle a publié l'an dernier aux éditions textuelles le livre intitulé « La France, tu l'aimes ou tu la fermes ?» Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillard, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Femme, race, classe. Tel est le titre, qui en dit long, de l'un des ouvrages majeurs de la militante et professeure émérite de l'Université de Santa Cruz, Angela Davis, publié en 1983. Un titre qui synthétise les luttes de celles qu'on qualifie tout à la fois de militantes féministes, antiracistes et anticapitalistes. Car l'intellectuelle américaine, qui se revendique marxiste, considère le racisme comme l'une des formes de domination que le capitalisme exerce sur la société, au même titre que l'oppression des femmes. Pour lutter contre le racisme et le patriarcat, explique-t-elle, il faut remonter à la source du problème, le grand capital, comme on disait à l'époque. Également militante pour les droits des Noirs, des femmes, des prisonniers politiques, des homosexuels, Angela Davis a dédié sa vie à ses combats en faveur des minorités. Une vie qu'elle refuse d'envisager d'un point de vue personnel, une vie où le politique prend le dessus sur l'intime. Car l'intellectuelle révolutionnaire, comme elle l'écrit dans son autobiographie, ne fait pas de distinction entre l'individu réel et l'individu politique. Le seul événement extraordinaire de mon existence ne me concerne pas en tant qu'individu, écrit-elle à 30 ans, en 1973, pour décrire la cavale et la traque qu'elle a eu à subir. C'est précisément ce qu'elle expliquait à la réalisatrice Yolande Luard en 1970, et c'est ainsi que nous tenterons aujourd'hui de remonter le cours d'une existence hors du commun, celle qu'Angela Davis dédie à ses idéaux révolutionnaires. Pensez-vous que les conditions pour une révolution sont réunies aux États-Unis aujourd'hui? La révolution, ce n'est pas seulement la prise du pouvoir, la lutte armée. C'est un long processus historique qui se fait par étapes. Le plus difficile dans une révolution, c'est une fois que le pouvoir a été pris et qu'il faut construire une nouvelle société. Et la nature de cette société se reflète dans la façon dont la lutte est menée. Le plus important dans le combat révolutionnaire, c'est de construire un esprit collectif, de se dégager d'une vision individualiste de la vie et de faire fusionner les deux niveaux, le politique et le personnel. Angela Davis, née en 1944 à Birmingham, en Alabama, une ville que Martin Luther King désigna comme la plus parfaitement ségrégée des États-Unis. La petite fille noire n'a le droit d'aller ni au cinéma, ni au parc d'attractions, et elle doit s'asseoir au fond du bus. Et comme tous les enfants noirs du sud des États-Unis, elle va dans une école pour colored people, ainsi que l'imposent les lois Jim Crow. Le quartier où elle vit, un quartier blanc, est surnommé Dynamite Hill, en référence aux nombreux attentats mortels commis contre les Noirs qui y vivent. Pour Fania Davis, la cadette Angela, l'engagement politique de sa sœur provient de son expérience de la ségrégation, du racisme et de la violence, et ce, dès l'enfance. Elle se souvient, dans le documentaire de Shola Lynch, Free Angela and All Political Prisoners, produit par The Film en aiguille. Vous avez une enfance tranquille comme votre sœur Angela. Comment expliquez-vous qu'elle soit devenue une révolutionnaire marxiste ? C'est sa vie qui a fait d'elle une révolutionnaire. Ce n'est pas une tragédie personnelle, celle d'une gentille fille qui tourne mal. Son enfance dans le sud des États-Unis, son expérience des Blancs dans le Nord, c'est tout ça qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, une révolutionnaire. Elle met désormais en pratique son éducation. À 14 ans, Angela Davis décide de fuir le sud ségrégationniste pour le nord des États-Unis. Elle obtient une bourse pour étudier à New York au lycée privé Elizabeth Irwin, un établissement progressiste et socialiste. Elle y intègre un mouvement de jeunesse communiste où elle apprend à replacer les inégalités subies par le peuple noir dans le contexte plus large du système capitaliste. En 1961, elle a 17 ans quand Martin Luther King entame une marche pour la liberté depuis Birmingham, la ville où elle est née. Deux ans plus tard, quand il prononce à Washington son célèbre discours « Have a Dream », Angela Davis vient d'arriver en France, où elle étudie la littérature et la philosophie française. C'est donc de Paris qu'elle regarde le mouvement des droits civiques américains, tout en lisant Rimbaud, Aragon, Prévert, Camus, Sartre, sur fond de guerre d'Algérie. La violence de la police envers les Algériens de France la marque durablement. Tandis qu'en 1965, alors qu'elle étudie maintenant en Allemagne, des émeutes explosent de l'autre côté de l'Atlantique. Nouvelles inquiétudes à Los Angeles parce que l'agitation noire s'étend maintenant aux alentours de Watts. Hollywood, Long Beach et même beaucoup plus loin, San Fernando, San Bernardino, San Diego. Là, ce sont des raids de commandos noirs qui, en voiture, tirent sur des blancs ou allument un incendie et disparaissent. À Watts, calme relatif dans la journée d'aujourd'hui. Quelques acharnés, réfugiés sur les toits, tirent sur la police. Watts est quadrillé, ratissé, bloqué, de nuit comme de jour. Les voitures sont fouillées, on y trouve quelquefois le butin des pillards. En août 1965, Watts, le quartier noir de Los Angeles, marqué par la pauvreté et l'exclusion, se soulève pendant 6 jours. Une émeute sanglante, à laquelle l'armée américaine répond par un redoublement de violence. Au total, 34 morts, dont 23 civils, 1000 blessés et 3500 arrestations. C'est le début d'une ère de soulèvement urbain qui durera jusqu'à l'été 67 et, pour Angela Davis, c'est un détonateur. Oui, quelque chose d'important se joue dans son esprit pour la communauté noire. La jeune étudiante en philosophie politique décide alors de rentrer aux États-Unis où elle va mener une thèse sous la direction du philosophe marxiste Herbert Marcuse. Sur le campus de l'université de San Diego, en Californie, la jeune femme de 20 ans impressionne ses camarades par son intelligence, son engagement intellectuel et son style très européen, genre gaulois sans filtre. Si elle veut faire de la philosophie un moyen d'agir sur le monde, Angela Davis n'est pas encore une militante. Elle souhaite s'engager dans un mouvement collectif, mais elle ne parvient pas encore à trouver à la fac le groupe qui sera le sien. C'est alors qu'en 1966, Wade Newton et Bobby Seale créent le Black Panther Party for Self-Defense. Un parti en lutte contre toute forme de discrimination. Un parti qui prône le droit des Noirs à se défendre face aux attaques racistes dont ils sont les victimes. Tout le monde le sait, le parti est bien organisé. Le ciel s'écroulera si Huey P. Newton n'est pas libéré. Je pense que c'est clair, clair comme du cristal. Les États-Unis ont déclaré la guerre aux Noirs. Ils l'ont déclaré quand le premier Noir a été amené d'Afrique. Bien sûr, ils ne l'ont jamais dit avec des mots. À ce jour, les États-Unis n'ont pas déclaré la guerre au Vietnam, mais ils sont au Vietnam. Et ils n'ont pas déclaré la guerre aux Indiens. Ils les ont juste anéantis. Donc, nous devons définir notre condition. Nous sommes en guerre. Notre leader est en prison. Il est prisonnier de guerre. Nous devons le faire libérer par tous les moyens nécessaires. Si nous n'y arrivons pas, nous devons passer aux représailles. Dès 1966, les Black Panthers deviennent la cible privilégiée du FBI d'Edgar Hoover, qui multiplie les arrestations violentes, comme celle du cofondateur du parti, Hugh Newton, que dénonce dans cette archive le militant Stockley Carmichael. Edgar Hoover, maladivement obsédé par la lutte contre le communisme, considère les Black Panthers comme la menace la plus sérieuse à la sécurité interne du pays. Arrestations musclées, mais aussi infiltrations, opérations de décrédibilisation, provocations de rivalité entre factions. Le chef du FBI veut à tout prix défaire les Black Panthers et leurs patrouilles d'autodéfense. Car les membres du parti portent des armes qui cristallisent les peurs de l'opinion publique américaine, majoritairement blanche. Campagne de dépistage, distribution de nourriture, programme d'éducation, l'action sociale du Black Panther Party, pourtant très efficace sur le terrain, passe au second plan. Angela Davis a 23 ans lors de la création du Black Panther. Elle se reconnaît dans ce mouvement politique de libération des Noirs, qu'elle rejoint à l'université de San Diego. Elle apprécie la radicalité de leurs engagements et partage la rage qui est la leur. Mais sur le plan des objectifs, elle ne soutient pas le Black Nationalism de ceux qui revendiquent la création d'une nation afro-américaine séparée des Blancs. Et surtout, elle regrette le machisme du parti, comme elle l'explique dans le documentaire Free Angela and All Political Prisoners de Shola Lynch. J'ai intégré très brièvement le Black Panther Party, mais aussi le comité non-violent de l'université et l'association des étudiants noirs du campus. Mais je n'aimais pas leur nationalisme, je n'aimais pas leur machisme, je n'aimais pas que les femmes soient reléguées à l'arrière-plan et qu'elles doivent littéralement rester au pied des hommes. À la fin des années 60, Angela Davis découvre avec regret une certaine tendance des Black Panthers à affirmer leur dignité face à l'homme blanc, tout en subordonnant la femme noire à des rôles subalternes. Pour la jeune femme qui entend lutter contre toutes les formes de domination, la libération des Noirs doit passer par celle des femmes, de potentiels leaders, tout comme les hommes. Pourtant, tandis que sa pensée sur ce point se développe, Angela Davis ne se reconnaît pas dans les mouvements féministes qui naissent aux États-Unis. Un féminisme bourgeois, blanc, qui se bat notamment pour que les femmes puissent travailler quand les femmes noires, elles, anciennes esclaves, se tuent à la tâche comme domestiques depuis des décennies. Pour Angela Davis, le féminisme est profondément lié au racisme et à la lutte des classes. La libération des femmes, comme la libération des noirs, n'ont de sens que dans la révolution que le marxisme appelle de ses vœux. C'est donc poussée par ces idées que la jeune étudiante en philosophie, grande admiratrice de Sartre et de Jean Genet, va adhérer au Parti communiste. En 1968, elle intègre le Tchelumba Club, une section du parti réservée aux Noirs, ce qui lui vaut d'être surveillée par le FBI. Critique vis-à-vis de l'URSS, Angela Davis soutient en revanche la révolution cubaine. À l'été 69, elle profite du déplacement d'une délégation du Parti communiste pour visiter Cuba, et elle s'émerveille de tout ce qu'elle y découvre. Son constat, seul le socialisme peut combattre le racisme avec autant d'efficacité. Mais à son retour aux États-Unis, en septembre 1969, une mauvaise surprise l'attend. Hier, c'était la rentrée à UCLA, l'Université de Californie. La professeure de philosophie, Angela Davis, s'apprêtait à donner son premier cours, alors qu'une controverse venait d'éclater après qu'elle eut admis être membre du Parti communiste. À cause de cet aveu, le conseil de l'université a décidé qu'elle n'était pas autorisée à enseigner. À la rentrée universitaire de 1969, Angela Davis, 26 ans, doit donner un cours de philosophie politique à UCLA, la fac de Los Angeles. Mais une clause datant de 1949 interdit à l'université d'employer des communistes. Alors, lorsque ses opinions politiques sont rendues publiques par un journal réactionnaire, la jeune professeure est renvoyée, sur ordre du gouverneur de Californie, un certain Ronald Reagan, autre anticommuniste obsessionnel. L'aspirant candidat des Républicains à la Maison-Blanche craint qu'Angela Davis ne rallie ses étudiants à la cause. Elle donnera malgré tout son premier cours à 1600 d'entre eux, conquis, avant de gagner devant les tribunaux le droit d'enseigner à UCLA suite à une procédure ultra-médiatisée. La jeune professeure de philosophie devient alors une figure publique, adorée des uns, honnie des autres. Chaque jour, elle reçoit des menaces de mort par la poste, au point de se décider à acheter une arme, comme la loi américaine le permet. Mais le véritable combat d'Angela Davis, ce n'est pas son droit d'enseigner, comme elle l'explique d'ailleurs sur le campus de UCLA en 1969. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Car je vois des gens danser, jouer au frisbee, alors que nous sommes en guerre. Je ne veux pas être une rabat-joie, mais je ne peux m'empêcher de penser à ces trois hommes noirs qui entrent dans un tribunal enchaîné, accusés à tort du meurtre d'un gardien blanc de la prison de Soledad. Leur unique crime a été d'essayer de parler de libération, de révolution. Ils font figure d'exemple pour dissuader quiconque voudrait aux États-Unis résister et se battre. Les frères de Soledad dont parle Angela Davis, ce sont trois hommes. George Jackson, John Cluchet et Fleetwood Drumbo, accusés à tort d'avoir tué un gardien dans leur prison de Soledad en Californie. Le plus célèbre d'entre eux, George Jackson, a été condamné en 1960 pour un vol de $70, condamné à un an de prison renouvelable à vie, une peine qui existe alors en Californie. En 1969, 9 ans après les faits, le prisonnier est toujours incarcéré. Car George Jackson refuse de se soumettre aux humiliations et autres brimades que les Noirs subissent en prison, dans un pays encore très marqué par le racisme. À la moindre incartade, sa peine est rallongée. D'autant qu'il s'est politisé en prison où il a publié 2 livres et fondé un groupe marxiste, la Black Caria Family, qui inquiète l'administration pénitentiaire. Dès 1969, Angela Davis s'engage publiquement pour que George Jackson et les 2 autres frères de Soledad soient innocentés du meurtre du gardien dont ils sont accusés. La militante communiste devient peu à peu le symbole de la lutte pour la libération des prisonniers politiques noirs aux États-Unis. À ses côtés, l'écrivain français Jean Genet, qui entre illégalement en Californie à l'été 1970 pour apporter son soutien à George Jackson dans une série de conférences, Angela Davis et lui servent alors de traducteurs et partagent avec tout le monde la conviction que tout homme noir qui revendique ce droit est un prisonnier politique en puissance. Aux côtés de la jeune femme également, le jeune frère de George Jackson, Jonathan, 17 ans, très engagé dans le comité de soutien pour la libération, il va tenter le tout pour le tout pour libérer son frère le 7 août 1970. À San Rafael, Californie, au nord de San Francisco, un juge et 3 autres personnes ont été tuées lors d'une tentative d'évasion. Le juge Halley interrogeait un détenu de San Quentin quand un homme non identifié, armé de dynamite et d'une arme automatique, a surgi dans le tribunal. Le juge Halley est mort, le procureur adjoint est grièvement blessé au dos, un des jurés est blessé au bras, 2 des détenus sont morts, ainsi que l'homme non identifié. L'homme non identifié qui a tenté de prendre en otage le juge Harold Halley au tribunal de Marin, près de San Francisco, c'est Jonathan Jackson, le frère du prisonnier politique George Jackson, que soutient Angela Davis. Le jeune homme de 17 ans, qui espérait échanger les otages contre son frère, est tué par la police alors qu'il tente de prendre la fuite avec ses prisonniers. La Californie, sous le choc, se divise en ce chaud mois d'août 1970. L'opinion publique, majoritairement blanche, pleure le juge Halley, lui aussi tué dans la fusillade, tandis qu'une partie de la communauté noire assiste en larmes aux funérailles du jeune Jonathan Jackson. Yeah. Angela Davis, membre active du comité de soutien aux frères de Soledad, dont George Jackson, le frère du preneur d'otages, est rapidement mise en cause dans cette affaire très médiatique. Les autorités américaines qui la surveillent depuis déjà plusieurs années la soupçonnent d'avoir fourni les armes qui ont servi au kidnapping du juge Haley. La jeune femme est accusée d'enlèvement, de conspiration et de meurtre, alors même qu'elle n'était pas présente sur les lieux de la prise d'otages. À 27 ans, elle risque la peine de mort par asphyxie en chambre à gaz, selon la pratique californienne. Alors, plutôt que d'affronter la justice de son pays, qu'elle s'est déjà convaincue de sa culpabilité, culpabilité de femme, de noir et de communiste, Angela Davis fait le choix de fuir. C'est le début d'une cavale qui durera 2 mois. Voilà comment elle l'a décrit dans son autobiographie. La vie de fugitif exige que l'on résiste à l'hystérie, que l'on distingue entre les fantasmes d'une imagination apeurée et les indices réels de la présence de l'ennemi. Je devais apprendre à l'éviter, à le déjouer. Mes ancêtres, par milliers, avaient attendu, comme je le faisais, que la nuit tombe pour ensevelir leurs pas. Ils s'en étaient remis à un ami véritable et ils avaient senti les crocs des chiens sur leurs talons. C'était simple, il fallait que je sois digne d'eux. Les circonstances qui avaient fait de moi une proie étaient peut-être un tout petit peu plus compliquées, mais elles n'étaient pas moins différentes. Angela ne veut pas passer sa vie en exil. Elle décide de rester aux États-Unis. Placée par le FBI sur la liste des 10 personnes les plus recherchées des États-Unis, elle quitte la Californie pour Chicago, puis pour Miami, où elle vit de plus en plus isolée. Car très vite, tous ses proches, parents, frères, sœurs, amis, camarades, sont surveillés par des voitures banalisées. Déguisée, maquillée, la jeune femme cache sous des perruques sa coupe afro et tente de ne pas céder à la peur qui la travaille chaque jour. Elle ne sort que la nuit, toujours sur le qui-vive, car elle le sent. Les agents du FBI sont partout. Angela Davis incarne tout ce que Edgar Hoover combat de manière personnelle dans le cadre de son programme de contre-intelligence, et en premier lieu, le communisme. Le chef du FBI engage dehors des moyens colossaux pour retrouver la fugitive. Des centaines de femmes élancées, noires, les dents écartées, c'est son signalement, sont arrêtées. Sa photo est affichée dans tout le pays. Mais sur les murs des villes, sur les portes des maisons, fleurissent également des pancartes de soutien. « Angela, notre sœur, tu es la bienvenue dans cette maison », affirment les Américains sympathisants. Mais le 13 octobre 1970, 67 jours après la mort du juge Haley, de son ravisseur Jonathan Jackson sur un parking californien, Angela Davis est arrêtée par des dizaines d'agents du FBI dans un hôtel mythe de New York, accompagnée d'un ami. C'est la fin de 2 mois de traque policière, 2 mois de paranoïa, 2 mois de solitude. La jeune femme de 27 ans est presque soulagée. Le président américain Richard Nixon, lui, se félicite à la télévision de cette arrestation. Je pense que les efforts du FBI pour arrêter Angela Davis sont à placer dans la longue et remarquable série d'arrestations menées par le FBI. Ça prouve que quand le gouvernement, à travers le FBI, s'engage dans une affaire, il fait en sorte que les terroristes soient traduits en justice. Angela Davis est placée en détention provisoire. Elle qui connaissait la prison en tant que militante et soutien de prisonniers politiques, elle la découvre maintenant de l'intérieur. D'abord placée en 4B, le secteur réservé aux femmes souffrant de problèmes psychiatriques, elle est ensuite conduite à l'isolement, au 6e étage de la prison. Une matone monte la garde devant sa porte à toute heure du jour et de la nuit, officiellement bien sûr, pour sa sécurité. Mais la jeune militante comprend vite qu'il s'agit surtout de la surveiller et de l'éloigner de celles qui la soutiennent dans une prison essentiellement peuplée de femmes noires et portoricaines. Après 10 jours de grève de la faim et un recours devant le tribunal fédéral, elle est finalement placée avec les autres détenus avant d'être extradée vers la Californie où le procureur général requiert contre elle la peine de mort pour conspiration, enlèvement et meurtre. Une procédure éminemment politique, comme l'explique Angela Davis elle-même en français. Oui, je me considère comme prisonnière politique, comme je considère des milliers de prisonniers en ce moment comme prisonnières politiques. J'étais arrêtée, à cause de mes idées politiques, à cause de mes activités politiques. Il y a beaucoup d'autres gens qui sont en prison pour la même raison. Mais est-ce qu'à votre avis, l'opinion publique américaine, la grande masse des Américains, vous considère vous comme un prisonnier politique? La grande majorité... je dirais non. Parce que l'influence du racisme dans ce pays est tellement grande que beaucoup de gens ne peuvent pas percevoir ce qui se passe devant leurs propres yeux. Pour assurer sa défense, Angela Davis choisit un avocat noir, Howard Moore. Un choix stratégique et politique. La militante de la cause noire entend ainsi diffuser publiquement l'image d'Afro-Américain professionnel évoluant au plus haut niveau, mais elle souhaite aussi dénoncer un système judiciaire raciste, largement en main des Blancs. Afin de médiatiser les enjeux de l'affaire, ses proches forment rapidement le comité de soutien pour libérer Angela Davis et tous les prisonniers politiques. C'est la militante elle-même qui a demandé à intégrer tous les prisonniers politiques américains afin de faire de son cas l'incarnation d'une réalité plus vaste. Et très vite, le comité trouve son public. Dans le monde entier, des manifestations de soutien sont organisées, comme à Paris, où la sœur d'Angela Davis, Fania, défile avec Michel Foucault, Jean-Paul Sartre et Louis Aragon pour réclamer sa libération. La prisonnière devient un symbole de liberté que les jeunes Parisiens arborent gaiement sur leur t-shirt à la fête de l'UMA en 1971. Dans sa prison californienne, forte de cette mobilisation internationale, Angela se dédie à la lecture et à l'écriture autant que la bibliothèque carcérale le lui permet, comme elle explique au micro de Jean-Claude Berlet. À quoi passez-vous vos journées? Vous travaillez? C'est presque tout ce que je peux faire. J'ai une machine à écrire. Nous avons lutté pour cette machine à écrire pendant des mois et des mois. Alors, je travaille sur le cas, je fais un peu de philosophie aussi. Je viens d'écrire un travail sur la libération des femmes dans le contexte de la lutte socialiste par rapport aux idées marxistes. Vous lisez aussi, vous avez le temps de lire un peu? Oui, j'ai beaucoup de temps à lire. Je suis en train, pendant ce moment, de faire un peu de recherche sur les prisons de femmes. Je lis des choses sur ça, je dis de la philosophie. Dans sa cellule, Angela Davis écrit ses premiers articles dédiés au féminisme, dont une réflexion sur le rôle des femmes noires dans la communauté des esclaves, alors qu'émerge aux États-Unis le Black Feminism, un mouvement qui irrigue le militantisme politique et la recherche universitaire. Au contact des autres prisonnières, elle développe ses réflexions sur les liens entre genre, classe et race. Elle correspond également avec George Jackson, le prisonnier de Soledad qu'elle défend depuis 1969, avec qui elle partage son combat pour la justice sociale et aussi, une histoire d'amour. Par le biais de leurs avocats, en effet, les deux militantes, tous deux incarcérées, parviennent à se voir au parloir. Mais en août 1971, George Jackson est tué d'une balle dans le dos par un gardien lors d'une émeute dans sa prison de Soledad. Pour Angela Davis, c'est une certitude, parce qu'il était noir. Son ami est mort, et parce qu'elle est noire, elle sera condamnée. Mais je crois que si j'étais jugée dans une manière juste, je serais acquittée. Le problème, c'est que je vais être jugée, j'en suis sûre, par 12 blancs. Ce que je veux dire, c'est que si je suis acquittée, ça ne sera pas du tout à cause du système de justice américain. Ce sera à cause du mouvement de masse que les gens ici sont en train de construire partout dans les États-Unis et partout dans le monde. Ce sera une victoire du peuple. Ce ne sera pas du tout ce qu'on appelle un problème. procès juste. En 72, un soutien inattendu va surprendre la Californie conservatrice de Ronald Reagan. Roger McAfee, infirmier blanc, père de 5 enfants, hypothèque sa ferme pour payer la caution d'Angela Davis, $60,000. La jeune militante sort donc de détention provisoire après 16 mois d'emprisonnement. Et c'est donc libre et présumée innocente qu'Angela Davis comparaît lors de l'ouverture de son procès le 27 mars 1972. Très médiatisé, les audiences se déroulent à San José, une ville de Californie où vivent 85% de blancs et 2% de noirs. 300 journalistes sont accrédités et assistent aux audiences en télédiffusion dans une autre salle. Le procureur, Albert Harris Jr., maintient l'accusation de conspiration, d'enlèvement et de meurtre. Si Angela Davis a pris en otage le juge Harold Haley ce jour de d'août 1970, c'est pour l'échanger contre George Jackson, son compagnon alors incarcéré à la prison de Soledad. Un mobile politique donc, la libération d'un militant révolutionnaire noir et personnel, l'amour sans limite qu'elle vouait aux prisonniers. La preuve, des lettres passionnées que le procureur lit à la barre. Angela Davis, invitée à réagir, dénonce le machisme de l'accusation. Le procès, explique-t-elle, ne met pas seulement au jour l'oppression des Noirs par les Blancs, mais aussi celle de la femme par l'homme. Ses avocats, eux, s'attellent à démontrer l'incohérence de l'accusation. Il n'y a aucune preuve et ils pointent la dimension politique du procès. Le 4 juin 1972, après 2 mois d'audience et 13 heures de délibération, le jury rend son verdict à l'unanimité. Outside the court, other supporters heard the words, not guilty. Explosion de joie hier parmi les partisans d'Angela Davis. Son purgatoire aura duré 21 mois, dont 16 en prison. 21 mois, à dater du 15 août 70, date à laquelle, on se le rappelle, la police fédérale américaine l'avait inscrite sur la liste des 10 malfaiteurs les plus recherchés du pays. Elle a été acquittée par un jury composé exclusivement de blancs, 7 femmes, 5 hommes. Et la voici, voici Angela Davis, très émue. C'est le jour le plus heureux de ma vie, mais je suis sûr que tous ceux qui m'ont aidé dans ce pays et dans le monde entier se réjouissent aussi. Parce que maintenant, la lutte commence, la lutte continue pour libérer tous les prisonniers politiques qui sont ici, les prisonniers politiques qui sont dans tous les autres pays du monde et pour libérer les peuples opprimés. En 1972, ceux qu'on appelle les frères de Soledad, les deux compagnons de George Jackson, l'ami d'Angela Davis, pour qui elle s'était engagée avant d'être elle-même emprisonnée, sont innocentés et libérés. Une victoire pour la militante, qui poursuit désormais hors de prison son combat contre le système carcéral américain. En 1980 et 1984, elle se présente aux élections présidentielles américaines avant de se consacrer à sa carrière de professeur d'université. Militante marxiste, féministe, antiraciste, anticolonialiste, pacifiste, Angela Davis reste aujourd'hui, 50 ans après la traque policière qui l'a fait connaître au monde entier, une icône des luttes sociales, combative, radicale et tellement inspirante. Wish I could live like I'm longing. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Angela Davis, sa vie, son œuvre, elles sont tellement liées. On va parler avec vous, hein, Rokhaya Diallo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et réalisatrice. Vous avez écrit le livre La France, tu l'aimes ou tu la fermes, publié aux éditions textuelles l'an dernier. Quand avez-vous découvert Angela Davis? Je l'ai découverte vraiment assez tardivement, c'est-à-dire que j'ai toujours entendu parler d'elle, j'ai toujours vu son image, mais j'ai vraiment pris connaissance de ses combats quand j'ai commencé à m'intéresser, peut-être quand j'avais la vingtaine, j'ai vraiment compris ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait réalisé, mais j'ai toujours entendu parler d'elle, ma mère m'en a parlé parce qu'elle a vécu cette traque aussi, alors elle se trouvait au Sénégal à l'époque, mais elle l'a connue, c'est à peu près la même génération, donc j'ai toujours entendu parler d'elle, chez les femmes de ma famille, mais je l'ai vraiment découverte politiquement lorsque j'avais la vingtaine. Ouais. Chez les femmes de votre famille, elle est une icône, j'imagine, une référence. Elle est une icône chez toutes les femmes, effectivement, de ma famille, chez les femmes que je connais, pour plusieurs raisons, parce que c'est une femme noire qui affirmait cette fierté-là, y compris esthétique, hein, parce que c'est vrai que vous avez, il a été, sa coiffure a été mentionnée puisqu'on parle de son, de sa cavale où elle portait des perruques sur sa coupe afro, mais c'est vrai que cette esthétique qu'elle a involontairement popularisée est devenue une marque de fabrique de beaucoup de personnes noires, aussi bien aux États-Unis qu'en Afrique, mais aussi en France. Donc, de ce point de vue-là, elle me marque. Et puis, j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises à Paris et aussi chez elle à Auckland. Donc, voilà, elle m'a marqué à plusieurs reprises parce qu'elle incarne tous les combats qu'elle incarnait déjà à l'époque, mais aussi les combats actuels sur l'environnement, sur la santé, le capitalisme. Et je trouve qu'elle a vraiment su renouveler sa pensée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de vivacité d'esprit. J'imagine que pour vous, c'est sinon un modèle, au moins une source puissante d'inspiration. C'est une source d'inspiration parce que c'est une des rares intellectuelles qui est active depuis plus de 50 ans, qui a su, d'une certaine manière, faire en sorte que sa pensée accompagne les réflexions actuelles. C'est-à-dire que lorsque je l'ai rencontrée et interviewée au début de l'année, elle m'a parlé spontanément en février dernier, donc juste avant le confinement, juste avant qu'on ait plus le droit de voyager. Voilà, j'ai eu la chance qu'elle accepte de me recevoir et qu'on discute assez longuement. Eh bien, elle m'a parlé de transphobie. Elle m'a parlé des combats environnementaux. Donc c'est une femme qui venait de fêter ses 76 ans, je l'ai vue quelques jours après son anniversaire, et elle a su vraiment, dans les questions que je lui ai posées, lier ces combats pour lesquels on la connaît, donc l'antiracisme et l'antisexisme, avec des combats tout à fait actuels, et je lui ai demandé comment elle avait fait, contrairement à d'autres intellectuels, pour ne pas, entre guillemets, mal vieillir et devenir conservatrice. Et ce que j'ai compris, c'est qu'elle faisait preuve d'humilité et considérait que la jeunesse avait toujours à lui apprendre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui la caractérise et qui caractérise très peu d'intellectuels dont on connaît les travaux passés, mais qui parfois ne sont pas toujours en résonance avec le présent. Résonance, eh bien, une femme de résonance dont les combats résonnent énormément, effectivement. Ben, on va l'écouter. Hein. Absolument. Une interview en 2018 pour le magazine Ballast. On va l'écouter sur cette définition de ce qu'elle appelle l'intersectionnalité des luttes qui renvoie à ce que vous venez de dire. On ne peut pas penser le racisme sans prendre en compte les violences de genre, les violences policières, mais aussi la violence intime. Si on veut comprendre pourquoi les femmes sont victimes des plus grandes violences, d'une violence pandémique dans le monde entier, on doit comprendre l'usage que l'État fait de la violence et le message que cela envoie aux individus. Alors, ça n'est ni un amalgame, ni une confusion, c'est unir deux thèmes qui prennent le même chemin, en fait. Absolument. Vous partagez ça ? Voir plusieurs, oui. Ce terme d'intersectionnalité a été créé par une universitaire californienne également qui s'appelle Kimberly Crenshaw, qui est juriste, qui considère que certaines personnes se trouvent à la croisée de plusieurs oppressions. Une femme noire, par exemple, peut être victime à la fois de sexisme et de racisme. Et c'est un raisonnement qu'on peut appliquer à d'autres formes d'oppression. La question du validisme, donc qui est en fait l'exclusion des personnes en situation de handicap, mais aussi l'homophobie, la transphobie, etc. Et donc c'était cette notion qu'elle reprend, qu'elle explique dans cet entretien qu'elle avait mené pour Ballast avec Assa Traoré, si je me souviens bien. On va écouter juste après. Voilà, absolument. Donc, où elle montre d'une certaine manière que les violences d'État débouchent sur des violences qui ciblent les populations les plus fragilisées. Dont les femmes. Les femmes parce que soit elles restent après la mort de leurs proches par des brutalités policières, soit parce qu'elles sont directement victimes de cette violence qui est promue par l'État et qui est d'une certaine manière promue comme une affirmation en fait d'une forme de virilité et qui se transmet dans la manière à la fois dont les hommes sont éduqués encore aujourd'hui et dont ils envisagent leur relation avec les femmes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant parce qu'elle lie aussi cette violence-là avec la question du capitalisme et du système carcéral. D'où son adhésion au Parti communiste. Absolument. Donc ça passe par le social. Voilà, ça passe par le social. C'est une femme qui aujourd'hui encore affirme qu'elle croit en un monde socialiste. Elle a été invitée par Vanity Fair, interviewée pardon, dans Vanity Fair la semaine dernière aux États-Unis. C'est Ta-Nehisi Coates, l'intellectuel américain qui était rédacteur en chef invité. Et Angela Davis a été interviewée par Ava DuVernay, qui est une réalisatrice, qui a fait un très beau documentaire pour Netflix qui s'appelle Le 13e, sur le 13e amendement et le système industrio-carcéral américain. Et Angela Davis a fait de ce combat, parce qu'elle a été prisonnière, un combat extrêmement important. Elle pense que dans le capitalisme, dans la quête du profit, il y a le développement du complexe carcéral, qui d'une certaine manière est un moyen de tirer des revenus, puisque aux États-Unis, il y a une privatisation extrêmement forte. Est-ce que vous pensez aussi que le combat pour les femmes, ça passe également par la laïcité qui n'est pas un thème propre aux États-Unis, plus chez nous, quand on voit la représentation de la femme dans les religions, les trois religions du livre, est-ce que ça peut passer aussi par la laïcité, le féminisme ? Ça peut passer par la laïcité, mais il faut rappeler que la laïcité n'est pas en opposition avec avec la religion. Oui, bien sûr. En France, et voilà, en France, en France, en tout cas, ça n'a pas toujours été de pair. Il faut savoir que historiquement, les personnes qui défendaient la laïcité étaient plutôt opposées aux droits des femmes, en fait, aux droits de vote des femmes, et qu'il y a eu une femme ordonnée pasteur en France en 1929, bien avant que les femmes aient le droit de vote, parce que les sociodémocrates qui faisaient la promotion de la laïcité n'avaient pas forcément d'appétence pour étendre le droit de vote aux femmes. Donc ça ne va pas toujours de pair, mais en même temps, je pense que c'est important de dire que dans la religion, il peut y avoir des femmes qui décident de partir de la religion pour donner une interprétation moderne. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit dans différentes religions, où on a des femmes qui décident de pratiquer une interprétation plus conforme à l'actualité des textes passés. Donc je pense que la laïcité permet justement cette liberté-là, la liberté de relire les textes à l'aune d'une perspective féminine et féministe. Très bien, on continue notre conversation dans 3-4 minutes. Trying to figure out why. Too much time to be patient. All this time you be feeding us lies. Ain't no truth in your statements. Too much pain in these little white lies. You left here. All this time trying to figure out how we're still here. I take pride in the things that we've done. Side by side in the revolution. Won't stay silent for things that I love. Cause we know them not care about us. Why men can't jump, but at least they can't run. Broke these chains just to put hands up. They can never see the kingdom coming. You wanna see us all amount to nothing. I can see your face, see the light in your eyes. I can see the change, feel the heat of the fire. If you can feel the pain, then you know you're alive. Both feet on the line, by enemies I will fight. For you, by enemies I will fight. For you, by enemies I will fight. For you, by enemies I will fight. For you, for you. I've spent too many days in my head now. Did you think we would forget how? Too many destinies, too many sentences read now, see all this pain in the headlines. But I have cried for the last time. But no, what happened, see, you would be blind if it was just an eye for an eye. And what if we change the world? We rise from the flames, the victor. It's far from a perfect picture. I know we're sinful, but we are human. Would you be grateful if you took my place? Say my name. There is redemption in the steps we take. Say one life and I'm gonna use it. Innocent till I'm proven. One last chance and you blew it. One last dance in the ruins. So much hate in your movements. Told me I couldn't prove it. One last prayer for the sinners. what you witnessed. I can see your face, see the light in your eyes. I can see the change through the heat of the fire. If you can feel the pain, then you know you're alive. Both feet on the line, by any means I will fight. Oh no, by any means I will fight. No, by any means I will fight. Enemies I will fight. For you, for you. I've spent too many days in my head now. Did you think we would forget? Too many destinies, too many sentences right now. Right now, see all this pain in the headlines. But I have cried for the last time. But no, what happened? See, you would be blind if it was just an eye for an eye. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la vie d'Angela Davis, ses combats dont nous parlons ensemble, Rokhaya Diallo. Dans le Nouvel Obs.en, en octobre 2019, vous vous opposiez au féminisme dit universaliste que vous jugiez bourgeois, blanc et excluant. D'abord, le féminisme universaliste, on peut rappeler quelle est la notion derrière ce mot et voir si c'est un féminisme dominant, dominateur. Moi, j'ai bien dit le féminisme qui se dit universaliste parce que parfois j'ai l'impression que des féministes se revendiquent d'une forme d'universalisme qui en réalité est très excluante. C'est-à-dire que quand on a un groupe de féministes françaises qui sont toutes blanches bourgeoises, je ne vois pas comment elles peuvent prétendre incarner l'universalisme dans la mesure où elles n'intègrent pas toutes les sensibilités de femmes, les femmes qui sont pauvres, les femmes qui sont immigrées, les femmes qui sont en situation de handicap ou qui sont lesbiennes ont des problématiques qui leur sont propres. Elles vivent évidemment les violences sexistes, mais ont des problématiques qui leur sont propres. Et je crois que c'est important de rappeler que c'est cette question d'une certaine manière qui consiste à challenger le groupe féministe qui se présente comme étant universaliste ne date pas d'hier. Il y a eu en France dès les années 40 une coordination, enfin une union des femmes martiniquaises en 1944, une union des femmes réunionnaises en 1946 et une coordination des femmes noires en 1977 à Paris qui a organisé une journée des femmes noires à Paris, notamment menée par une femme qui s'appelle Awa Thiam, qui est une universitaire sénégalaise et qui avait écrit un livre en 79 qui s'appelle La parole aux négresses. Donc les questions qu'on se pose aujourd'hui ont l'air totalement nouvelles, mais en réalité, elles existent depuis quasiment 80 ans, où les femmes minoritaires posaient des questions aussi sociales. En Martinique, il s'agissait aussi de parler de la question de la misère des femmes martiniquaises, de les inciter à s'inscrire pour pouvoir voter et peser sur la vie politique. À La Réunion, la question, c'était la question de l'anticolonialisme, du fait que des dispositions spécifiques s'appliquaient à La Réunion et non à la métropole, donc se battre pour l'égalité, la coordination des femmes noires, parler de la condition des femmes africaines et des femmes immigrées, donc des problématiques spécifiques. Et en ça, je pense que les femmes qui se revendiquent aujourd'hui universalistes, c'est un bel idéal universaliste. Mais l'impression que dans ce mot, il y a des femmes qui sont excluantes en réalité, qui ne sont pas vraiment universelles parce qu'elles refusent de tenir compte des spécificités des autres femmes. Et quels sont vos rapports avec elles ? De mon point de vue, ça va, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hostilité et d'incompréhension. Et peut-être un manque de perspective historique, parce que ce dont je vous parle, c'est pas une question nouvelle. Moi, je crois beaucoup en l'intersectionnalité, et je pense que c'est important d'intégrer toutes les femmes. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la question, par exemple, des femmes qui sont transgenres. Il y a un énorme débat avec d'autres femmes qui considèrent qu'en fait, une femme, c'est forcément biologique, et qu'une femme transgenre n'est pas une femme, alors que je pense que toute personne qui s'identifie comme une femme est une femme et doit être défendue à ce titre. Il y a beaucoup de femmes transgenres qui sont victimes de violences et parfois de meurtres. Elles sont extrêmement exposées à ces violences très très brutales. Donc aujourd'hui, c'est un rapport qui est difficile, mais j'ai l'impression qu'il y a une fracture générationnelle. Dans ma génération, j'ai l'impression, alors moi j'ai la quarantaine, dans ma génération il y a plus universaliste, donc je me sens assez minoritaire dans ma génération parce que j'ai le sentiment que les femmes qui ont une perspective qui englobe davantage de points de vue sont plus jeunes que moi, donc ont plutôt la trentaine et la vingtaine. Et c'est vrai que autour de moi, dans les gens qui ont mon âge, je me sens un petit peu en minorité. En février 2015, la maire PS du 20e arrondissement de Paris, Frédéric Calandra, annulez votre participation à un débat sur le féminisme à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, des droits des femmes. Le 11 mars dernier, à l'occasion de cette même journée des femmes, l'une de vos conférences était annulée à Toulouse. Vous avez le sentiment que votre voix dérange ? Ce que je trouve curieux, c'est que des femmes qui se disent féministes interdisent à une autre femme de prendre la parole publiquement. Et qui plus est, pour ceux qui ne m'entendent pas, je suis une femme noire, donc on sait que l'espace public est moins ouvert aux personnes non blanches. Et donc, de savoir qu'une femme noire issue d'un milieu populaire est attaquée pour ses convictions, alors même qu'elle est minoritaire par sa condition à la fois sociale et raciale, hein, puisqu'on peut s'exprimer dans des termes, je trouve ça assez spectaculaire. Et ce qui est intéressant avec Madame Frédérique Calandra, qui est aujourd'hui est secrétaire d'État aux victimes, me semble-t-il, ce qui est assez cocasse, avait dit à l'époque, si Rokhaya Diallo veut venir débattre dans le 20e, je la défoncerai, alors qu'elle venait d'annuler ma présence pour un débat contre les violences faites aux femmes. Donc je trouve qu'il y a, pour moi, une position dominante, donc qu'on fait parfois, donc enfin là-dessus il y avait vraiment un abus parce que la mairie du 20e ne lui appartient pas, c'est la maison du peuple. Et je crois qu'on gagne toujours à entendre des voix contradictoires, même si elles sont déplaisantes. Ça ne fait jamais plaisir de s'entendre dire qu'on est privilégié. Ça m'est déjà arrivé, genre j'ai survécu. Est-ce que Assa Traoré est une héritière, selon vous, des combats d'Angela Davis? C'est une héritière de son combat, dans la mesure où c'est une femme noire dans l'espace public qui lutte contre les violences d'État, qui interroge les violences d'État perpétrées sur les corps minoritaires et sur les corps noirs en particulier. On a pu voir, entendre tout à l'heure Angela Davis dire que les corps noirs étaient particulièrement visés par ces violences. Alors, depuis la fin des années 60, un des combats principaux d'Angela Davis, c'est la lutte également contre le système judiciaire et carcéral américain. En 2018, elle était invitée par le magazine Ballast, on en a parlé, a rencontré Assa Traoré, parce que vous avez confirmé, qui dénonce ce même système, mais en France. Alors on rappelle que le jeune frère d'Assa, Adama, 24 ans, est mort lors d'une garde à vue en 2016. On écoute Assa Traoré. Si je peux prendre la parole publiquement, dire ce que je veux librement en tant que femme noire, c'est que des femmes se sont battues, des personnes se sont battues avant, pour que je puisse avoir cette force. Et ça c'est important, parce que c'est un droit qu'on n'avait pas avant. De toute façon, la femme porte beaucoup de luttes, mais c'est aussi parce que nos frères, mon petit frère, on leur enlève cette voix-là. On leur enlève cette voix-là qu'on a coupée en les tuant, en les maltraitant, en les isolant. On veut que le nom d'Adama soit porteur de beaucoup de choses, qu'à travers ma voix de femme, en tant que femme, en tant que sœur, en tant que femme noire, bah, de dire, bon bah, ces garçons-là, mes petits frères, ils existent, ils ont la voix, ils peuvent parler. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais ça m'inspire, évidemment, c'est très émouvant d'entendre ces deux femmes de deux générations différentes s'inscrire dans une perspective d'héritage. Et je pense qu'elle a raison quand elle dit que c'est grâce au combat de femmes comme Angela Davis et d'autres qu'aujourd'hui elle peut s'exprimer et elle peut penser aussi sa condition grâce. Parce que Angela Davis, c'est aussi une philosophe, hein, vous l'avez dit, donc c'est quelqu'un qui produit de la pensée. Oui, une intellectuelle extrêmement brillante qui s'instruit dans une tradition intellectuelle américaine, avec les penseurs américains comme W.E.B. Du Bois, qui est un penseur voilà, qui l'a précédé par le passé. Et donc, Assa Traoré, je trouve qu'elle a sa propre empreinte aussi. Et je pense que c'est aussi important que nous, Français et nous, Françaises, c'est pour ça que j'ai parlé de la Martinique, que j'ai parlé de la Réunion, que j'ai parlé de Paris aussi. On arrive aussi à parler de nous depuis nous. Donc, Angela Davis représente beaucoup de choses pour nous, mais nous avons aussi des icônes françaises que nous devrions célébrer. Je pense à Paulette Nardal, qui est la marraine. Juste plusieurs noms, parce que c'est fini, là. Juste plusieurs noms. Paulette Nardal, ouais. Maryse Condé, Awatiam, que j'ai cité, voilà, des femmes qui ont pensé la condition des femmes minoritaires en France. Elles avaient droit de citer, effectivement. Merci infiniment, Rokhaya Diallo. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Angela Davis, c'est l'émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, il y avait Céline Guéribi. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.